L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Pour la première fois, des astronomes viennent de mettre en évidence l'existence d'un champ magnétique associé au pont magellanique, filament de gaz reliant le grand nuage et le petit nuage de Magellan, les deux galaxies naines les plus proches de la Voie lactée. Le filament de gaz qui relie les deux galaxies satellites s'étend sur 75 000 années-lumière. Le petit nuage et le grand nuage sont situés, eux, respectivement à 160 000 et 200 000 années-lumière, visibles dans l'hémisphère sud. Jen Kaczmarek et ses collègues pensaient qu'un tel champ magnétique pouvait exister, mais personne ne l'avait encore jamais observé. De fait, ce type de champ magnétique de faible amplitude ne peut être observé qu'indirectement par l'effet qu'il produit sur d'autres phénomènes physiques. Les chercheurs canadiens et australiens ont exploité la capacité du champ magnétique à modifier la polarisation d'ondes radio. Ils ont donc observé l'émission radio de galaxies lointaines qui se trouvent en arrière-plan du pont magellanique, avec le réseau de radiotélescopes Australia Telescope Compact Array, ATCA, de l'observatoire Paul Wild en Australie. Le phénomène utilisé est appelé la rotation de Faraday. Lorsqu'une onde électromagnétique traverse un champ magnétique, le plan où oscillent les champs magnétiques et électriques de l'onde subit une rotation. La polarisation de l'onde change. En observant la polarisation des ondes radio de 167 galaxies ayant traversé le pont magellanique ou non, en regardant légèrement à côté, les astronomes ont pu mesurer l'amplitude et la direction du champ magnétique présent. Ce champ magnétique est très faible, 0,3 microgauss, environ un millionième du champ magnétique terrestre. Son étude détaillée pourra permettre de savoir s'il est produit par le gaz du pont de matière lui-même, ou bien s'il est une extension des champs magnétiques des deux galaxies naines apparues lorsqu'elles ont interagi entre elles. Jen Kaczmarek précise « En général, nous ne savons pas comment de tels champs magnétiques très étendus sont générés. » Comprendre le rôle que joue le champ magnétique dans l'évolution des galaxies et de leur environnement est une question fondamentale en astronomie qui n'a aujourd'hui pas encore de réponse. Cette étude est un des nombreux résultats récents qui tentent de construire une cartographie des champs magnétiques dans l'univers. Et il apparaît de plus en plus que le magnétisme est présent à toutes les échelles, des amas de galaxies aux ponts de matière entre galaxies naines. L'article de Jen Kaczmarek et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le numéro 467 de mai 2017. Son titre est le suivant, « Detection of a coherent magnetic field in the Magellanic Bridge through Faraday Rotation ». Et vous retrouvez le lien en bas du billet sur Ça se passe là-haut, bien évidemment, comme toujours. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des champs magnétiques se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, PodCloud, Stitcher, YouTube et tous vos flux RSS préférés. Allez, d'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !